Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le mag numéro 13 de Comic Stories, émission comme la semaine dernière un petit peu spéciale, puisqu'en plus des news comics VF et VO, nous avons ajouté l'actu ciné-télé et même jeux vidéo pour cette semaine. Programme très chargé, donc nous allons immédiatement commencer. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 13e numéro du mag. Et avec moi cette semaine, Byron. Salut. Arnaud. Salut. Et elle fait son retour après quelques semaines d'absence, Elvire. Salut. On va commencer rapidement dans le vif du sujet par les news VF, puisqu'il n'y en a pas cette semaine, donc ça va aller très vite. Aucune annonce de Glénat, Delcourt, Urban ou Panini, rien du tout, donc ça nous permet de gagner du temps et de passer directement à la sélection parmi les sorties VF de la semaine. Et puis Elvire, allez, c'est ton retour, est-ce que tu veux bien commencer? Oui, alors moi je vais commencer avec Avengers, la croisade des enfants. C'est chez Panini Comics, ça sort le 29 avril. Ça sort le 29 avril. Donc là, au centre du comics, on a justement Scarlet Witch. Donc à cause de ses pouvoirs, en fait, elle a provoqué la fin des Avengers et elle disparaît. Et donc ce comics-là, ça suit les Young Avengers qui veulent la retrouver. Et donc en la retrouvant, ils vont croiser la route du docteur Fatalis, oui. Magneto, les anciens Avengers, mais aussi des X-Men. D'accord. Donc voilà, et ça coûte 16,95€, et ça sort le 29 avril. Ok, et Arnaud, tu l'as lu comme moi, et t'es d'accord, c'est un excellent. Immanquable. Oui. Si vous ne devez en prendre qu'un cette semaine, ce sera celui-là. Eh bien tiens Arnaud, continue du coup. En parlant de continuation, voici le tome 3 du Marvel Now, donc Avengers 3, de Jonathan Hickman, Nick Spencer, Mac Diodato et Stefano Caselli. Donc c'est les numéros 12 à 17 d'Avengers ça sort le 29 avril pour 14,95€ pour 144 pages. Ouais, donc c'est juste avant Infinity, assez intéressant. C'est un plutôt bon run de Jonathan Hickman. Et puis deux sorties très liées à l'actualité. La promise d'Ultron, tout d'abord dans la nouvelle collection Marvel Vintage. On vous en parlera dans l'émission de ce week-end de la Padawan édition. La promise d'Ultron, c'est par Jim Shooter, George Perez et John Byrne. On a aussi du Sal Buscema et du Jerry Conway dans l'histoire. C'est tout simplement la création de Jocaste par Ultron qui décide de se marier et de se créer donc Jocaste à l'image de la fille dans Pym. Et puis bah pour fêter ce mariage, bah qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'éliminer les Avengers. Voilà le concept de base de cette histoire, c'est une grande histoire historique d'Ultron, donc quelque chose voilà, c'est quand même une saga importante dans l'histoire du personnage, c'est pour ça aussi que Panini ressort ça en ce moment. Et puis l'autre sortie, c'est le graphic novel. C'est le graphic novel Thanos, la révélation de l'infini, par Monsieur Jim Starlin, grand maître de l'univers cosmique de Marvel historiquement, qui a pondu donc un graphic novel inédit qui est sorti il y a quelques mois seulement en VO et qui débarque directement en VF. On va retrouver Thanos évidemment, hein, Thanos, Adam Warlock, voilà tous les personnages chers à Jim Starlin pour cette saga plutôt dispensable, mais bon, les nostalgiques apprécieront. Toujours dans la sélection, cette fois elle est sortie de jeudi, Arnaud. Pour le 30 avril, c'est le numéro 36 de Batman Saga. Donc avec les numéros 34 de Batman, Batman and Robin, Detective Comics et Batgirl. Et le deuxième numéro de Grayson, la nouvelle série qui suit Dick Grayson ex Nightwing. Et à noter que c'est le dernier passage de Gail Simone et Fernando Passarin sur Batgirl avant le reboot. Donc un numéro à n'acheter rien que pour ça, pour sabrer le champagne à la fin de l'épisode. Et puis Étonnamment. c'est ça, à noter également le Superman hors série numéro 3 qui est consacré à Supergirl depuis qu'elle a rejoint les Red Lantern. Donc c'est la suite de cette saga. Voilà pour la sélection VF. On va maintenant passer à l'actu ciné de cette semaine, une actu très chargée. Et Arnaud, tu vas commencer. On va parler d'abord de Marvel Studios. Elvire, on va rester sur Spider-Man qui va venir au cinéma, mais pas forcément comme on l'attendrait. Oui. Donc ça serait plutôt dans un film animé qui sortirait en 2018. Mmh. Donc c'est Sony qui a annoncé ça. Et que dire, ça serait indépendant des autres projets autour de Spider-Man d'après ce qui se dit. Donc ce serait vraiment un truc hors MCU. Ouais, hors MCU. Mmh. Entre guillemets. Et je pense pas qu'on en sache plus. En 2000, je pense que ça sera Phil Lord et Chris Miller qui seront à la direction. Ouais. Et c'est ceux qui ont fait le Lego Movie, mais aussi 21 Jump Street, tout ça. Mm-hmm. Donc voilà. Ok. On va rester toujours du côté de chez Marvel. Arnaud, et est-ce que Joss Whedon ne serait pas un petit peu amer? Oui, on s'en doutait un petit peu depuis quelques temps, surtout que son contrat se termine. Et quand Edgar Wright a été viré de Ant-Man, il avait posté un tweet pour dénoncer ça. Et il en reparle dans une interview en disant que c'est le meilleur scénario Marvel qu'il ait lu. Et il dit tout simplement que Marvel a fait une connerie, parce que de base, il en avait rien à foutre d'Ant-Man. Et en lisant le scénario, il a trouvé ça magnifique, que c'était le meilleur scénario qu'il ait jamais eu, qu'il voulait absolument voir ce film. Donc, il gueule un petit peu sur Marvel. Il a aussi gueulé après Marvel, parce que donc il a développé Agents of S.H.I.E.L.D., il a développé la série, il a réalisé le pilote, et en principe, il devait avoir une grande importance dans la série, mais il en a eu marre qu'on lui dise il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes tel guest star, il faut que tu introduises ça, parce que dans notre film en 2017, on va mettre ça, il faut que tu fasses ça. Il en a eu marre, du coup, il a claqué la porte et il a dit qu'il se cassait d'Agents of S.H.I.E.L.D. en gros, qui touchait pratiquement plus à la série pour se consacrer à Age of Ultron. Et donc maintenant qu'il est parti, qu'il a terminé le film, est-ce qu'il va revenir vers la série? On sait pas. Pas sûr, il a l'air un peu de régler ses comptes. Je suis pas sûr qu'il ait l'intention de revenir de sitôt du côté de Marvel. Il en a l'air d'en avoir marre. Ouais. Et on va toujours rester sur Joss Whedon et Age of Ultron avec toi, Elvire, puisqu'on a appris que le film à peine sorti, on nous annonce déjà une autre version. Oui, donc dans le DVD, on aura. Alors on sait pas si c'est un director cuts ou juste des scènes en plus qui vont s'ajouter. Bah, la différence, c'est soit on voit le film comme le réalisateur le voulait, donc les 3h30 ou 3h et quelques, soit juste des scènes en plus. Et c'est surtout qu'on nous annonce aussi une fin alternative. Voilà. Donc voilà, surprise pour le DVD. Moi, je préférais un director cut, donc un film complet vu comme le réalisateur l'avait vu. Mais Disney fait pas ça. Mais voilà. Ils n'ont jamais fait pour l'instant. Donc je pense qu'on aura plus des scènes en plus. À voir. C'est Amazon UK hein, qui annonce ça par un mail envoyé au client, comme quoi le Blu-ray sera une version étendue, etc. À suivre. Et puis on va finir avec l'univers Marvel Studios, Arnaud et Captain Marvel. Oui, alors on a appris, on n'a toujours pas de réalisateur ou réalisatrice pour Captain Marvel, mais on connaît le duo de scénaristes. Ce seront Nicole Perlman, qui a travaillé sur le scénario de Guardians of the Galaxy, mm-hmm. et qui a écrit le comics Gamora. Ouais. Et elle sera en duo avec Megan Le Fauve, hein, qui est la scénariste de Inside Out, qui s'appelle Vice Versa en français, le prochain Pixar Disney. Ok. Bon, bah, le projet avance. Et la sortie est prévue aux États-Unis pour le 2 novembre 2018, on rappelle. Allez, on va passer toujours du côté cinéma à la maison d'en face, Warner Bros. DC et Elvire. Un nouvel acteur a été recruté pour Suicide Squad, encore ? Oui, c'est un peu le running gag à chaque émission. Mais donc là, ça n'a pas l'air d'être un rôle très... très comment dire ? Ça va être un rôle mineur. Donc c'est un rappeur et un acteur qui s'appelle Common, j'ai jamais entendu parler, qui va signer pour la franchise Suicide Squad. Donc il va être non, on ne sait pas vraiment son rôle en fait, Non. mais il n'est pas étranger aux comics parce qu'il a déjà joué dans Wanted et aussi dans Green Lantern. Oui, dans Green Lantern. Oula, sacré CV. Non, il était. Je crois qu'il a pas Ouais. joué dans Green Lantern. Il était prévu dans. Attends, c'était quoi l'histoire? Il était prévu qu'il joue comment le Green Lantern Black, John Stewart, voilà, dans le film Justice League de George Miller qui était Ah, prévu dans le début des ok. années 2000. Voilà. D'accord. Il a été casté pour ça et le film s'est jamais fait et voilà. Bon, il va failli être Green Lantern. Et d'après ce qu'on sait, il va aller rejoindre Shortly, donc ce sera pas un grand rôle, mais... Ouais, à voir, à suivre. Arnaud, on a une date pour le film Lego Batman. Oui, le film que tout le monde attend, bien sûr. C'est le film, alors, est prévu pour le 10 février 2017 aux États-Unis. Donc, c'est un spin-off encore sans titre du film Lego qui est sorti il y a 2 ans, il semble. Voilà. Rien Ok. de, on n'a pas plus d'informations. Allez, et puis la grosse annonce, la grosse de info de cette semaine du côté de Warner DC, c'est évidemment Byron. Ouais, c'est la photo du Joker. C'est Jared Leto qui a dévoilé son look final de Joker. À savoir qu'il avait c'était à peu près chaque semaine, il postait une photo de sa transformation. Et donc là, on a le Joker final avec bah, les cheveux bien verts, comme et beaucoup beaucoup de tatouages, un peu. Enfin, c'est un Joker vraiment comme on n'a jamais vu quoi. Ça se détache vraiment de ce qu'avait pu faire Heath Ledger. Où là, on aura vraiment un Joker qui sera bien barré et Ouais. ça devrait être, je pense, assez intéressant à voir. Bon, rapidement, là, c'est quand même une chose importante du week-end et de la fin de semaine, là. Votre avis, Elvire Arnaud, sur cette photo, sur ce visuel du Joker? Ça peut être prometteur. Je suis un peu encore réservé. J'ai du mal à voir ce que, à m'imaginer le personnage comme ça. C'est surprenant. Mais connaissant Jared Leto, je suis plutôt confiant. À Eh voir ben, sa ouais. performance en vrai plus qu'une image, parce que souvent une image ne Oui, ça veut peut pas pas dire dire grand-chose. grand-chose. Elvire, ça t'inspire? Bah, tout le monde fait du bashing, mais bon, c'est un peu le running gag sur Twitter et les réseaux sociaux. Pareil pour le pauvre Ben Affleck dans Batman. Moi, ce que je trouve too much, c'est juste le damage sur son front. Il y a juste ça qui me dérange. Le reste, j'aime bien ses tatouages. Et j'aime bien Jared Leto à la base aussi. Plus en tant que chanteur qu'acteur. Donc moi, j'attends de voir, mais je suis pas déçue. Je suis Ok. pas déçue. Il a l'air assez, comment dire, électrique. On sent Ouais. le Joker hyper dynamique, hyper. Enfin. Bah, ils ont voulu changer de ce qu'on avait vu Oui, non, mais au c'est sûr, cinéma, tout ça, du hein, voilà. moins. Après, Et tant mieux. je remercierai jamais assez David Ayer d'avoir eu cette idée des tatouages, parce que ça nous a permis de découvrir des petites transformations sur Internet, surtout Twitter, où on a vu Henry Cavill, hein, le Superman de Suicide Squad, enfin, on a vu même Captain America avec sur cette version. C'est America. incroyable, voilà, allez Avec fouiller un petit le I peu. love Peggy. C'est. Voilà, moi c'est vraiment. Et puis on a même eu Batman comme ça, enfin voilà, on a eu plusieurs adaptations de cette image, et c'est. Voilà, rien que pour ça, merci David Ayer pour les tatouages. Après, pour le reste, on attendra le film. Et puis, on va passer maintenant aux autres studios, Disney avec Star Wars pour commencer, et on a appris cette semaine que Rogue One sera un préquel de Star Wars épisode 4. Et tout simplement, on va découvrir comment les plans de l'étoile noire ont été dérobés, à l'Empire. De l'espionnage à la veine Star Wars, ça peut être cool. Et puis Byron, un casting pour Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 2. Ouais, puisque c'est Tyler Perry qui a été casté pour jouer le rôle de Baxter Stockman, alors qui est un scientifique fou et qui en général construit des robots pour aller affronter les tortues ninja. Et il faut savoir que Tyler Perry l'a joué dans Star Trek en 2009. Ok. Et puis on termine la partie ciné avec l'annonce d'un accord de 5 films entre Sony et Valiant Entertainment, donc l'univers comics Valiant qui va débarquer au cinéma avec 2 films sur le personnage de Bloodshot, 2 films sur le personnage d'Harbinger et ces 4 films qui aboutiront à l'event Harbinger Wars qu'on a vu dans les comics Valiant. Ça doit faire un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi au moins. Donc excellente nouvelle, moi j'adore l'univers Valiant, donc je suis ravi qu'il trouve son adaptation au cinéma. Donc voilà, encore une nouvelle franchise à suivre au cinéma. Allez, on va passer maintenant à la partie comics VO de cette émission. On va parler de Marvel. Elvire, tu vas commencer avec une nouvelle qui a fait grand bruit cette semaine. Oui, donc on a appris comment dire, la sexualité d'un des personnages, d'un des X-Men, donc Iceman, qui a fait son coming out, enfin, on lui a fait faire son coming out en tant que gay. Et oui, donc des gens ont réagi comme Bryan Singer qui avait fait les X-Men. Et voilà, bah, tout le monde dit que c'est bien. Après, voilà, j'en ai un peu marre que ça soit, que ça fasse une grosse news, quand un personnage est gay, qu'on s'en Ah fout. bah oui, bah c'est ça. Kamala Khan est musulmane et elle est Miss Marvel. Lui, il est gay et c'est un X-Men. Bah voilà, mon Dieu. Voilà. Voilà, donc on n'en parlera pas plus, on est d'accord? Oui. Les sollicitations Marvel de juillet sont tombées. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, juste pour vous dire que bah, au mois de juillet, si vous voulez suivre Secret Wars au complet, il va falloir être très très riche, puisque l'univers Marvel, quand on ne compte pas Star Wars, quand on ne compte pas les trucs adaptés des séries animées et les choses un peu indées chez Marvel, eh ben rien que l'univers Marvel proper, on va dire, c'est 71 singles au mois de juillet, pour une somme de plus de $300. Voilà, c'est voilà, on se fout un petit peu de la gueule du monde. Alors oui, on n'est pas obligé de tout acheter. Effectivement, personne n'oblige à ne, nous oblige à acheter tous les titres Marvel. Mais dans un event comme Secret Wars, qui est présenté comme le truc incroyable qui va, enfin voilà, qui va quand même refondre l'univers Marvel, c'est peut-être les dernières histoires de certains personnages, un dernier revival. Forcément qu'on est tenté de prendre plein de choses. Marvel le sait très bien et voilà, il tire la corde en balançant 71 titres, quoi. C'est n'importe quoi. On va continuer, Arnaud, avec le retour de Miracle Man, mais d'une autre version cette fois. Ah oui, on a appris à la Chicago Comic and Entertainment Expo que Neil Gaiman et Mark Buckingham, pardon, allaient revenir sur la série Miracle Man parce qu'ils avaient déjà travaillé dessus. Et justement, la série reprend 2 ans après la destruction de Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que le début de cette série est la réimpression de ce qui avait déjà été fait. Ce Miracle Man par Gaiman et Buckingham il y a plusieurs années, et c'est une histoire qui n'avait pas pu terminer. Et justement là, après cette réimpression, ils vont avoir l'occasion de continuer et de terminer enfin cette storyline qu'ils ont développée il y a plusieurs années. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle pour Miracle Man et pour ses amateurs, dont je fais partie et toi aussi, je crois. Ouais. Et ça sortira en septembre. Voilà. Et puis cette année, on fête un anniversaire. Encore un, il y en a tellement entre le Joker, etc. Que Marvel aussi en fête les 50 ans du Shield. Et donc on a appris que la grosse opération autour de cet anniversaire, hein, alors déjà le numéro 9 de la série Shield sera oversized, aura encore plus de pages, et qu'en plus il sera écrit par Mark Waid, qui rejoint Hal Ewing. Et donc dans ce numéro, il y a Phil Coulson qui fait équipe avec Nick Fury senior, pardon, pour répondre à la question de l'origine du Shield, qui est l'homme qu'on appelle Death, la mort. Et donc en plus cette histoire verra des dessins de Jack Kirby qui ont été ancrés par Jim Sterando, qui n'ont jamais été imprimés avant, de l'inédit. Avec du vieux. Il y aura aussi la réimpression de la toute première histoire du Shield, écrite par Stan Lee en 1985. Déjà pas mal. Et ensuite, Marvel a annoncé 5 one-shot pour cet anniversaire. Hein. Un par personnage, donc un sur Nick Fury, un sur l'agent May, un sur Mockingbird, un sur Quake, pardon, Quake. Donc qui est Sky dans la série, et un sur l'agent Carter. Ouais. Alors on va terminer cette partie. Alors, attendez, je suis perdu dans le conducteur. Voilà, on va terminer cette partie VO et après on fera une petite breaking news qui vient de tomber là, Elvire. Tu viens de nous la mettre sur Skype. Stan Lee prépare son autobiographie. Il va le faire évidemment sous forme de graphic novel en s'associant à Peter David pour la partie scénario, on va dire, et puis à Colleen Doran pour toute la partie graphique. Donc voilà, autobiographie qui sera disponible en octobre pour $30. Autobiographie de Monsieur Stan Lee. Et donc, Elvire, ce soir, là, dimanche soir, 26 avril, une petite bombe a été lâchée par Joss Whedon. Oui, alors d'après le site Super Hero Field, Joss Whedon voudrait diriger un film DC. Mais il en parle encore une fois et il a vraiment envie de, enfin peut-être de Oula. se manger de Marvel, de se manger Peut-être. de Marvel, je sais pas. Il a déjà tenté le coup avec Wonder Woman, peut-être qu'il va en Ça faire. n'avait pas d'outils, donc on savait qu'il faisait quelques appels du pied récemment, mais alors là, cette fois, c'est vraiment clair, puisque voilà, il voudrait réaliser un film DC, il l'aurait donc dit encore une fois, et cette fois très clairement. Il veut faire surtout un film Batman. Voilà, Oui. donc qu'est-ce que le prochain Batman avec Ben Affleck sera une version whedonesque de Batman? À suivre en tout cas, mais voilà, Joss Whedon du côté de chez DC, ça pourrait se faire. Moi, je Allez, on dis va oui. pourquoi pas, ouais. Il pourrait apporter peut-être un peu de, comment dire, The fun, un pourquoi peu de pas? fun, voilà, qui manque cruellement à l'univers DC. Les sollicitations Image pour le mois de juillet sont tombées, juste pour vous dire que parmi ces sollicitations, on trouve la nouvelle série de Brian Kevogan, qui s'appelle We Stand on Guard, dont on vous avait parlé lors de notre émission consacrée à l'Image Expo. Donc voilà, nouvelle série de Brian Kevogan en juillet chez Image Comics. On va passer maintenant à la partie DC Comics, DC Elvire qui se lance dans le Girl Power. Oui, alors c'est un truc dont je voulais vraiment parler. Donc voilà, ils ont décidé de créer une nouvelle série DC Super Hero Girls. Et donc la cible, c'est les filles de 6 à 12 ans. Et d'après ce qu'ils disent, donc il y aura, ça sera les super héros féminines et aussi les super vilaines, super vilaines féminines. Donc avec Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumblebee, celle-là je la connais pas, Poison Ivy et Katana. Et en fait, voilà, c'est voir comment on peut gérer ça et gérer ses pouvoirs de super-héros en tant qu'adolescente. Mais surtout, ils ont une envie de comment dire, que ça aide les jeunes filles à se former, à avoir confiance et je sais pas comment on pourrait dire en français, empowerment. C'est un peu, voilà, girl power. Ouais, Voilà, ça a l'air d'être un petit peu féministe, en tout cas. Mais en tout cas, c'est pour essayer de, voilà, de montrer aux jeunes filles qu'on peut aussi être super-héros, qu'on peut aussi faire des choses autant que les hommes. Donc voilà, sur le papier, c'est intéressant et ça va sortir. Ça sera des storylines vraiment, comment dire, autonomes et des nouvelles storylines et ça sortira au printemps, non, à l'automne 2015. voilà, donc on pourra en dire ce qu'on veut, mais cette jeune fille qui a interpellé DC il y a quelques mois sur l'absence de personnages féminins pour les jeunes filles, eh ben elle aura au moins réussi à faire quelque chose. Parce que on pourra nous dire ce qu'on veut, hein. Elle n'est pas étrangère à tout ça, cette histoire. Byron, grand retour chez DC. Oui, puisque alors Frank Miller a annoncé qu'il écrivait actuellement avec en compagnie de Brian Azzarello une troisième partie à The Dark Knight Returns qui sera intitulée The Master Race. Ça va être une série de 8 issues qui sera publiée tous les 2 mois. Et sauf que pour l'instant on ne connaît pas encore le Non. dessinateur. Ouais, Et donc. bon. Bah déjà, le tandem Frank Miller, Brian Azzarello, ça fait rêver, à condition que ça ne soit pas dans la veine de Strikes Again, mais plutôt dans la veine Le de premier, Returns, hein. hein. Donc bah ouais, à suivre, à suivre. Les nominations pour les Eisner Awards sont tombées cette semaine également. On va pas vous faire tout le détail, vous pouvez les retrouver sur Internet. Sachez juste que Multiversity est multi-nominé, meilleure issue pour Pax Americana numéro 1. Ils sont également nommés pour meilleure série limitée. Et puis ça sent peut-être moins le triomphe pour Saga, mais il y en a une qui risque de triompher cette année, c'est Miss Marvel, nommée pour la meilleure série, nommée pour la meilleure scénariste, je crois. Et puis pour autre chose, enfin voilà, donc Miss Marvel, Private Eye aussi, la série de Brian Kevogan est nommée plusieurs fois. Évidemment, on retrouve aussi Saga. Brian Kevogan et puis Fiona Staples dans le lot, mais voilà, on sent un peu le vent tourner et moi je mets ma petite pièce sur le triomphe de Miss Marvel cette année. À suivre donc lors de la San Diego Comic-Con pour les résultats. On va passer maintenant à la sélection des titres VO de la semaine et Elvire, tu vas nous parler de la première, c'est Batman. Donc là, c'est le Batman numéro 40. C'est le final de Endgame. Et donc voilà, donc on va avoir la fin de l'histoire. Donc comment dire, dans un des résumés, ça finit par qui rira le dernier. Ah. Il est contre le Joker. Et Donc voilà. voilà. Et donc qui rira le dernier. Voilà, on a aussi cette semaine Justice League 40 et Superman 40 qui sortent du côté de chez DC. Trois numéros qui sortent très en retard, mais c'est un gros coup marketing évidemment, hein, puisqu'on sait que dans le Free Comic Book Day qui a lieu samedi, on vous le rappelle, le titre Free Comic Book Day de DC, c'est trois histoires, Batman, Justice League et Superman, qui prennent directement la suite post-convergence. Voilà, donc ça va être... on découvrira la nouvelle identité de Batman, enfin qui est sous cette armure là, une histoire sur la Dark Side War, le nouveau statu quo pour Superman aussi. Donc voilà, on sort les numéros un peu choc juste avant le Free Comic Book Day pour bien les vendre à ceux qui vont prendre le titre gratuit samedi. Malin. Arnaud, une grosse sortie encore du côté de chez DC. Oui, c'est la fin de Multiversity, avec tout simplement Multiversity numéro 2, de Grant Morrison et Ivan Reis. Et donc c'est la conclusion de l'aventure Multiversity qui a démarré en septembre. Ouais. Et donc là, on retrouve de nombreux super-héros du multiverse DC qui vont se confronter à la Justice League de la Terre 13, qui est dirigée par un super démon, et qui s'attaque aussi à ce qu'ils appellent la Gentry, qu'on découvre dans le premier numéro. Et donc c'est la fin de cette grande série qui a débuté en septembre. Voilà. Et que j'ai, moi, particulièrement adoré. Ouais, qui va avoir droit à un très très beau recueil en hardcover, tout ça, qui va sortir fin d'année, pour pas très cher en plus, une trentaine de dollars, je crois, il est trouvable. Donc voilà, si vous aviez raté, vous allez avoir une belle édition de luxe prochainement pour mettre sous le sapin. Sorti également single de Alex Plesada numéro 14, ma petite série fétiche de chez Image, et puis de Fantastic Four numéro 645 qui sort également demain. C'est le dernier numéro de Fantastic Four, donc la fin de cette série. Du côté des TP, demain le 23e TP de Walking Dead, ainsi que Arnaud. Le hardcover de l'arc Spider-Verse. Gros volume. Allez, on va passer à l'actu télé maintenant. On va commencer avec l'univers DC à la télé et Elvire. Gotham pour aller un petit peu plus loin encore. Oui, parce qu'il paraît, pour ceux qui continueront la série, on verra peut-être la Batcave dans Gotham. Donc, j'aime de moins en moins la série, mais graphiquement, elle m'a jamais déçue. J'ai vraiment bien aimé leur vision de Gotham, donc ça peut être intéressant de voir la Batcave. On va essayer de continuer pour ça. On va se raccrocher un peu à ce mais juste pour ça. Allez. Et puis Byron, un nouvel acteur pour le spin-off de Arrow et Flash. Oui, puisque Franz Drame va rejoindre le spin-off Arrow Flash, et dans lequel il jouera Jay Jackson, qui est un athlète de son lycée, et qui est aussi mécanicien et qui a une relation avec Star Labs. Ok. Arnaud, Supergirl, mal barré. Ouais, ça sent pas très bon pour Supergirl. Apparemment, selon Deadline, il me semble, Deadline, dans leur Primetime Pilot Panic, apparemment, la chaîne n'est pas super satisfaite du pilote. Déjà que les effets spéciaux ont coûté très cher apparemment, et ça, c'est pas assez convaincant. Déjà qu'ils ont dû réécrire plusieurs fois à la dernière minute certaines scènes, donc soit ils redonnent une chance, ils vont peut-être retourner certaines scènes, soit ils abandonnent, on sait pas. Donc, pour l'instant, c'est plus aussi sûr que la série soit commandée. Donc on aura la réponse dans la semaine du 10 mai. Pour les Exactement. Et sans transition, on enchaîne avec l'univers Marvel et Arnaud. On sait qui sera au cœur du spin-off d'Agents of S.H.I.E.L.D. Oui, alors c'est encore Deadline qui balance que ce sera Adrian Palicki et Nick Blood. Donc Adrian Palicki qui joue Bobby Morse alias Mockingbird, et son ex-mari Lance, et donc Nick Blood joue son ex-mari Lance Hunter dans Agents of S.H.I.E.L.D. Apparemment, ils seront tous les deux au centre de spin-off qui est développé et merde par Jeffrey Bell et Paul Zbyszewski. D'où le et merde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et donc toujours d'après Deadline, parce que rien de tout ça n'a été officiellement confirmé par Marvel, la série aura une vibe Mr. and Mrs. Smith, puisque ils étaient mariés et qu'ils commencent à se remettre ensemble dans Agents of S.H.I.E.L.D. Okay. Alors on continue, allez Arnaud, avec la John Carter. Oui, c'est toujours à la Chicago Expo qu'on parlait tout à l'heure. On a appris qu'on connaîtra le sort d'Agent Carter dans 3 semaines. Donc dans 3 semaines, qui nous amène à la semaine du 10, donc au front de ABC le 12 mai. Ok, et puis pour terminer cette partie télé, Elvire, tu vas nous parler de notre petit coup de cœur de la semaine dernière, Daredevil. Donc déjà, on sait qu'on aura une saison 2. Oui. Mais bon, ça c'est pas très c'est étonnant. Ça aurait oui, été quand même. Et surtout la date en 2016 et pas après Defenders. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une grosse surprise la date. Oui. Donc continuez Elvire. 2016. Après, on sait que alors donc il y a Drew Goddard et The Knight qui partent comme en tant que showrunner et on va accueillir donc Doug Petrie et Marco Ramirez qui vont les remplacer et il me semble que c'est deux qui ont travaillé sur Buffy, enfin qui ont travaillé avec Whedon. Non, c'est ceux qui partent. Petrie, on a Doug Petrie ouais, qui a travaillé Doug avec Petrie Whedon a travaillé et Buffy. Sur Buffy. Et puis l'autre, c'est... Sons of Anarchy. C'est cela. Voilà. Et une autre news sur Daredevil. On sait que dans le contrat de Charlie Cox, il est lié donc à l'univers cinématographique de Marvel. Donc si Marvel veut qu'il apparaisse dans les films, normalement il est lié à cela. Donc voilà. Donc il sera obligé d'aller dans les films. Décidément, quelle souffrance d'être obligé d'apparaître dans un film Marvel Studios. Oui. Ça met une carrière. Il doit être très triste. Et bien voilà qui conclut cette émission un peu oversize du mag, comme la semaine dernière. On va terminer en vous donnant les prochains rendez-vous. Jeudi sur nos écrans numéro 13 qui sera consacré au débrief épique d'Avengers Age of Ultron. Ce week-end, la Padawan édition numéro 13 sera consacrée à Avengers bien sûr, mais aussi à Ultron. Et puis on se retrouve quant à nous mardi prochain pour le mag numéro 14 avec toute l'actu comics, papier, VO et VF. D'ici là, bonne semaine, bonne lecture et bon cinéma si vous allez voir Avengers. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.